Ça a commencé pendant les vacances. Au départ, on ne se rend pas compte. On va voir une comédie avec Danny Boone pour faire plaisir aux enfants. Et puis, on tombe sur la grande vadrouille qui repasse à la télé pendant l'été. Et puis, c'est la série des gendarmes. À Saint-Tropez, à New York, et même les gendarmettes, alors que c'est le plus mauvais. Ma femme, elle passait ses journées enfermée dans la chambre avec l'intégrale des hors-séries Télérama. Moi, je ne voyais pas le problème. Je me disais que c'était normal. Et un jour, sans crier gare, j'ai rigolé devant les bronzés fonds du ski. Là, j'ai su que j'avais un problème. Attention, les vacances peuvent être néfastes culturellement aux auditeurs d'Inter. Ne restez pas seuls. Des rétrospectives des plus grands films ouzbeks sont programmées la dernière semaine d'août dans toute la France. Le plaisir n'est pas une fatalité. Les films Inter existent. C'était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête ?